Qui a commencé? On parlait de politique, de bon, juste politique. OK. Parle de politique, bon, c'est une nouvelle façon de dire finalement ce que tu dis souvent. Mais sous ça, moi je vois autre chose, là, la politique réelle. Mais d'une façon différente, finalement. Bon, quand tu dis il faut finalement s'exprimer, c'est bon, ça fait toute référence à s'aimer, être capable de se respecter, en se respectant, on s'autorise à être ce qu'on est, puis on l'exprime. Mais à un moment donné. Dans la question fondamentale, qu'est-ce que tu as, toi, dans ton intelligence, de si laid pour que tu t'interdises continuellement d'être ce que tu es? Moi, c'est la médiocratie. Oui, mais c'est pas dans l'intelligence. Qu'est-ce que tu as dans l'intelligence de si laid? Dans l'intelligence? Qu'est-ce que les gens ont de si laid pour qu'ils passent leur vie à se cacher? Observe le monde ici, observe le monde dans la salle. Oui. Puis regarde en haut de leur tête, tu vas voir des trucs. Hein? Regarde comme il faut, là. Tu vois des choses? Un peu, oui. Bon, les choses, il y a certaines choses, on voit des auras, puis il y a certaines choses qui sont des espèces de grandes enveloppes qui flottent. C'est des canaux, c'est des ajusteurs de pensée. Ça va jusqu'à 6-7 pieds en haut de la tête de la majorité. Ben moi, ce que je vois, c'est comme un nuage, là. Je ne sais pas si ça m'en fait, là, des vapeurs. Parce que c'est myope. Ouais. Alors, tu vois flou. C'est normal. C'est un cerveau myope. Regarde et tu vas voir qu'il y a présentement, il y a des ajusteurs de pensée qui sont déconnectés. Et uniquement parce qu'on regarde, si tu observes, tu vas voir qu'au fur et à mesure, il y a des individus là que leur ajusteur est déconnecté puis ils ne touchent plus à leur tête. Tu vois? Non. Ah, c'est normal. Aïe, aïe, aïe. Le tien est déconnecté. C'est un coup politique. Alors, présentement, ce qui est intéressant surtout, c'est que... Observe. Tu vois rien. Tu vois plus rien. Mais là, je vois moins. Je vois plus, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si problématique chez les individus pour que les individus passent leur temps à ne pas être ce qu'ils sont? À se cacher, à agir toujours en fonction du collectivisme, en fonction de ce que les autres vont penser d'eux, en fonction de ce que les autres vont penser d'eux, ou en fonction même de ce que les personnes qui se cachent elles-mêmes pensent que les autres peuvent penser d'eux. Qu'est-ce qu'il y a de si laid chez les personnes? Un, pour qu'ils s'empêchent, pour qu'ils ne s'autorisent jamais à être ce qu'ils sont. Deux, pour qu'ils passent une grande partie de leur énergie, leur temps, à forcer les autres à ne pas être ce que les autres sont. On ne veut pas changer le monde. C'est rare, les individus qui veulent prendre dans un couple, là, la femme ne veut pas changer le mari. Elle veut que le mari soit normal. Le mari ne veut pas changer la femme. Le mari veut que la femme soit normale, selon les concepts de la normalité, évidemment. C'est toujours une question d'homogénéité. Dans une classe avec les jeunes, les professeurs ne veulent pas changer les jeunes, ils veulent avoir des jeunes normaux. C'est-à-dire une gang d'épais pareils, homogènes. Bon, si, et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'arrange pour les placer de façon homogène aussi. L'être humain, non seulement ne veut pas se laisser exprimer ce qu'il est, mais en plus, il travaille énormément à faire en sorte que les autres ne puissent pas exprimer ce qu'ils sont. Mais moi, c'est sûr qu'il y a de la médiocratie. C'est pas en référence, pour moi, laid ou beau, là, c'est... Moi, ce que je vois, c'est plutôt la peur de se faire rejeter. Oui, la peur de se faire rejeter de quoi? C'est correct, c'est vrai, ben, effectivement. Du reste du groupe, finalement. Bon. Société, autrement évidemment. Dit, la majorité des gens ont peur d'être rejetés d'un groupe qu'ils n'aiment pas. Oui, en plus. Oui, mais ça, c'est comme quand j'étais jeune, bon, c'était catholique chez nous, puis j'allais à la messe, tout ça. Et puis, à un moment donné, c'est que je m'étais dit, il faudrait pas bien que j'aille pareil, puis d'un coup, c'est vrai. Mais ça, c'est une raison intelligente. Ça, c'est autre chose. Ah oui, mais c'est... Tu nous faire croire que quand tu étais jeune, tu étais intelligent. Ça, c'est une raison intelligente. Mais c'est de la peur. Pas nécessairement. Dans ton cas, ça pouvait, il pouvait y avoir en même temps la peur qui pouvait être supporté par ça. Mais de la façon dont tu le dis, ça ne dérange pas. C'est intelligent d'aller à la messe, au cas que ce soit vrai, ça n'y a aucun problème là. Mais quand tu sais que c'est plus ça, puis tu sais que c'est pas vrai, puis tu continues d'y aller, soit pour faire à cause que c'est un défilé de mode, soit parce que c'est faut faire acte de présence, soit parce que, etc. Pourquoi il va vous empêcher d'être ce que vous êtes? Dans ce qu'on veut être, dans ce qu'on aime être, pas dans ce qu'on veut pas être. Être ce que nous sommes ne veut pas dire se libérer puis se laisser aller à tous les fantasmes qui nous traversent la conscience, les fantasmes astraux. Ce que tu veux être, ce que tu aimerais être. C'est quoi ta question? Qu'est-ce qui t'empêche d'être ce que tu es? Pourquoi tu caches autant? Toi. Parce que... Toi féminin, toi masculin, là. Pour répondre pour moi ou maintenant pour on, là. C'est qu'on n'est pas, ça, finalement. Ou on a l'impression de ne pas être rendu là. Ben c'est ça, ça me fait penser à des gens qui me disaient justement aujourd'hui, l'exemple, c'est pour ça qu'ils m'ont dit, mais ça revient à ça. Si je me suis fait élire la semaine passée, puis j'aurais aimé être moi-même. J'aurais aimé être la personne qui était là, mais c'était elle qui était là. Il y a une personne comme ça qui s'est vue à la télévision, puis qui aurait aimé être elle. Quelque chose de semblable à ça. Mais c'est d'ailleurs ce qui frappe la majorité des personnes qui se voient dans des médias. Mais effectivement, la personne, ce qui arrive, c'est qu'elle regarde. Ça, c'est le principe de la télévision. Quand j'étais au Pérou avec Indiana Jones, un des professeurs du film qui se prenait pour Indiana Jones, à un moment donné, on était perdu sur le haut d'une grosse montagne dans les Andes, et puis là, il regardait un village, pas d'électricité, des petites lampes à l'huile, tout crotté, tout sale, puis il voyait le peuple qui allait se cacher parce qu'il commençait à faire noir. Il pleuvait, puis il faisait 0 degré. Et puis là, il regarde, puis là, tout ce qu'il faisait, hey, c'est exactement comme dans le film d'Indiana Jones. Là, il fallait que je le brasse. Écoute, le gars, t'es dans le film. Puis il y a plein de bandits dans la ville. Il faut qu'on se trouve quelque part pour aller dormir. Il était dans le rêve. Là. Il constatait simplement que c'était exactement comme dans le film, alors que lui était présent sur place. C'était pas un film, c'était la réalité. C'est la même chose. L'individu se voit à la télévision, puis là, il aimerait ça être lui. C'est exactement ce que je te compte. Combien de personnes passent leur vie à utopiser? Il y en a qui vont espoiriser, les autres vont utopiser. Combien de personnes passent leur vie à utopiser, c'est-à-dire à créer de l'utopie, à rêver de quelque chose de mieux, par intelligence? Certains vont le faire par émotivité, par spiritualité. Bon, ce sont des choses. D'autres le font par intelligence. On fait juste remarquer, par exemple, bon, je parlais dernièrement d'une des personnes qui fait partie des séminaristes, qui travaille dans une compagnie d'ingénierie, puis la personne, elle dit, on a tout ce qu'il faut pour régler le problème de la famine dans le monde, on a tout ce qu'il faut pour régler le problème des cultures, de la déforestation, de la désertification, on a ce qu'il faut. Techniquement, c'est banal et c'est facile. Alors lui, il utopise. Là, il commence à rêver dans sa tête, à l'intérieur de lui, de ce qui devrait être implanté dans l'intelligence du plan planétaire. Il a l'envergure mentale pour le faire, donc il n'est pas déstabilisé par son utopisation. Qu'est-ce que je veux dire par déstabiliser? C'est qu'à un moment donné, les personnes sont incapables de supporter le poids de leur ignorance, le poids de leur incapacité à exprimer des choses. Puis j'ai déjà expliqué que le fait d'être conscient ne nous donne pas du libre arbitre. C'est pas parce que lui est subitement conscient des mécaniques scientifiques qui pourraient être implantées dans des endroits tiers-mondes que nécessairement il a maintenant la capacité de bouger. La majorité de l'humain sur la planète Terre ne veut pas bouger. Pourquoi? Parce que les engrammes théologiques ou gouvernementaux politiques amènent toujours l'homogénéité, l'entropie, c'est-à-dire qu'on amène la stabilité. Alors, l'humain ne veut pas bouger. Le moindre moment que tu le fais bouger, il commence à vivre une panique. Même si, puis c'est le problème de l'humain, c'est que dans un malheur connu, l'humain devient stable. Quand j'étais au Guatemala, c'était assez phénoménal, parce que j'étais avec un père missionnaire, j'avais 18 ans à l'époque, et puis le matin, on allait faire une messe pour enterrer un guerriero qui avait été tué. Bon. Le lendemain matin, on allait faire une messe pour enterrer un soldat qui avait été tué, guerriero s'était mangé. Bon. 2 jours après, on allait faire une messe, on allait enterrer un jeune avec sa mère, parce que là, il y avait eu un conflit entre les guerrieros et l'armée, puis le peuple est entre les deux. Et puis 3 jours après, on allait dans une ferme pour pouvoir la bénir, parce que guerriero, c'était 4 fois qu'il l'attaquait en dedans d'un mois. Fait que là, le curé allait la bénir pour que guerriero allait ailleurs. Mais une fois qu'on a béni la ferme, on a pris une jeep, on est rentré dans la jungle, on est allé à un village de guerrieros, on a demandé de ne pas attaquer la ferme. Bon. Et puis là, les guerrieros, vu que ça ne l'a pas donné, ben les guerrieros n'ont pas attaqué la ferme pendant un bout de temps. Puis c'est continuellement comme ça. Ça, c'est de la stabilité politique. OK? Tu as les forces des guerrieros qui portent des M16, et non pas des AK-47, donc qui sont armés par les États-Unis d'Amérique. Et en même temps, les soldats guatémaltèques sont entraînés en Équateur par l'armée américaine pour se battre contre les guerrieros qui sont armés par les États-Unis. Ça crée une stabilité politique. C'est ça une stabilité. Alors évidemment, ça se tue sans arrêt, puis quand on renverse le régime qui prend la position de l'autre, ben il vit la même chose que l'ancien régime renversé, puis ça, c'est une stabilité. On a ça dans les théologies, dans les religions, on a ça dans tout ce qui chapeaute les mouvements collectifs. À travers ça, nécessairement, il y a toujours des humains, à un moment donné, qui sont suffisamment énergisés par l'intelligence pour commencer à vouloir être eux-mêmes. Donc, ils deviennent des marginaux. Puis quand l'humain devient marginal, automatiquement l'humain devient marginal, non pas dans sa globalité, il devient marginal uniquement dans un vecteur non contrôlé par l'astral. L'humain devient intelligent dans son intelligence. Donc l'humain, parce qu'il commence à recevoir de l'intelligence, devient conscient. Puis on sait très bien que le processus de la conscience engendre le processus de l'écœurement, qui engendre la déconnexion de l'ajusteur de pensée du canal réincarnationnel qui le branche au plan supramental. Alors ici, il y a des ajustants tout à l'heure qui flottaient, qui sont reconnectés un petit peu, il suffit juste que je vous regarde, ça déconnecte. Mais à un moment donné, je vais m'organiser pour en reconnecter quelques-uns un peu plus longtemps. Bon. Ce qui est important, c'est que l'être humain qui vit la marginalité, la vit dans son intelligence, dans sa conscience, et il la vit au-dessus du peuple planétaire. La vie au-dessus du peuple planétaire, nécessairement, tout ce qui fait partie de ce qui reste ancré dans le contexte planétaire, donc ce qui fait partie du collectif, donc du politisé théologique ou gouvernemental, national, géographique, etc., tout ce qui fait partie, tout ce qui ne fait pas partie de sa conscience, donc fait partie de l'astralité, va maintenant devenir l'outil idéal pour l'extérieur, pour obliger le corps physique à rentrer la tête à l'intérieur des nuages. L'individu qui se politise, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va créer une mécanique autour de lui qui va faire en sorte qu'on ne pourra pas, l'astral extérieur ne pourra pas venir le chercher. Mais où il y a de l'importance, où il y a beaucoup d'importance, où on doit faire attention, c'est que la politisation, comme j'en parle présentement, non seulement elle va permettre le désachetissement de l'individu des manipulations planétaires. Je dis souvent que l'humain, un jour, devra finir par être désacheté. Je l'explique déjà une facette du comment, des manipulations planétaires. Bon, la colère mentale te permet d'avoir un trou temporaire, la colère mentale douce te permet de travailler avec la partie homme contre la partie anti-homme pour faciliter énormément la transition vers l'être nouveau. La politisation, évidemment, implique déjà que tu sois conscient. Ça implique déjà que tu puisses recevoir suffisamment d'intelligence pour être capable de bouger. Mais la politisation implique l'opinionisation, c'est-à-dire qu'elle implique que l'individu doit commencer à être beaucoup plus qu'avant son seul maître, mais ça n'implique pas qu'on doit convertir, ça n'implique pas qu'on doit induire les autres dans l'intelligence. On ne peut pas rendre intelligent un individu par aucune stratégie. Il est baigné, il n'est pas baigné. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et la seule façon que l'individu pourra un jour être baigné par l'intelligence, c'est s'il parvient à l'écœurement, mais à l'écœurement, non pas un écœurement politique, mais un écœurement cosmique. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, par exemple, un jour, si on deviendrait puissant, conquérir un peuple qui n'est pas intelligent, puis de l'écœurer au maximum pour qu'il devienne intelligent. Parce qu'en l'écœurant au maximum, tout ce qu'on crée, on crée l'instabilité politique dans sa conscience astrale, donc on va finir par engendrer un mouvement de masse qui va vouloir rejeter, donc, c'est-à-dire entrer en guerre contre notre propre régime. Mais l'humain ne sera pas plus intelligent. La seule façon de rendre l'humain intelligent, c'est d'engendrer chez lui la frustration utopique, c'est-à-dire, puis plus l'humanité va être intelligente, plus l'intelligence va être là, puis plus ça va nous servir à nous. La seule façon de rendre un peuple intelligent, les voisins intelligents, n'importe qui intelligent, ta mère, ton père, ta femme, dans ton cas, c'est tout elle qui a... Mais, elle est plus drôle, elle est moins drôle de même. Mais, la seule façon de rendre un peuple intelligent, c'est la frustration utopisante, la frustration utopique, c'est-à-dire que tu dois sembler être pour le peuple. Mais pour sembler être pour quelqu'un d'inconscient, tu dois être. Sembler être quoi? Sembler être ce que eux, dans le fond, fin fond de leur inconscience, veulent être. Mais pour autrement dit, tu sembles être un dieu. Pour sembler être, pour un peuple inconscient, tu dois être. Autrement dit, par rapport à toi, tu dois être totalement ce que tu es. Et là, les gens vont trouver que tu ressembles à. Parce qu'ils ne peuvent pas admettre qu'un humain, c'est ça. Sauf que si c'est une mécanique de conversion, ça va créer un problème. Parce que là, tu as passé ton temps à essayer d'induire de l'intelligence à l'intérieur d'un réceptacle qui ne peut pas en supporter. La majorité des êtres humains sont assujettis par les concepts émotifs de la création du monde, les concepts émotifs des gouvernements, les concepts émotifs de la médecine, les concepts émotifs, c'est d'ailleurs pourquoi on va leur vendre de la médecine, on va leur vendre des politiciens. C'est pas une question d'intelligence. Hein? Bon. Un politicien qui prévoit des problèmes, on vote pas pour lui. Un politicien qui se promet dans quelle affaire, on vote pour lui. Même s'il ne tient pas ses promesses, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il vote, c'est qu'il promet. C'est pour ça qu'on vote pour ça. Parce qu'il fait vivre émotivement l'humain pendant un bout de temps. L'être humain doit fondamentalement être capable de comprendre que s'il est capable d'être suffisamment ce qu'il est lui, sans tenter de conversion, c'est-à-dire sans essayer d'expliquer. Le gros problème, c'est qu'on passe notre temps à essayer d'expliquer aux autres. On ne doit pas expliquer à personne. Premièrement, quand on veut expliquer à quelqu'un, c'est pas là qu'on va vouloir s'expliquer à soi-même. Puis s'expliquer à soi-même, ça crée une problématique. C'est que de l'intuitif, on devient rationnel, ça veut dire qu'on essaie d'être cartésien. Mais c'est parce qu'on n'explique pas, on justifie. Ben, c'est ce qui arrive. Parce qu'en essayant d'être rationnel ou cartésien, tu vas faire une justification. Et la problématique de la justification, c'est qu'une justification est avenue, c'est-à-dire qu'elle est acceptable, recevable, uniquement si ce sont des autorités collectives qui l'acceptent. Ou une autorité collective, c'est un individu supporté par la masse, ou bien c'est une masse. Bon. Donc, tu veux te justifier. Un exemple. À Noël, ça ne vous tente pas d'aller fêter parce que les gens boivent, vous n'aimez pas ça, parce que, bon, ça ne fête même pas, puis vous n'avez rien à foutre, puis ça vous tente d'aller avec deux ou trois amis, vous restez chez vous. Puis là, vous leur dites que vous n'êtes pas, vous n'allez pas aller à la fête. Puis là, la famille va nécessairement commencer à vous traiter d'hypocrite, parce qu'ils sont hypocrites, à vous traiter d'égoïste, parce qu'ils sont égoïstes. Ils se foutent de savoir qu'est-ce que vous allez faire. Ils doivent vous posséder pour pouvoir s'alimenter de votre présence. Bon. Alors, on va vous culpabiliser, on va essayer de faire des choses. Là, ce qui va arriver, ça va induire chez vous la mécanique, la rationalisation, qui deviendra de la justification du point de vue de la psychologie. Et là, on va essayer d'expliquer aux gens quelque chose que ces gens-là ne peuvent pas comprendre. La meilleure façon, c'est d'induire chez eux une stabilité. Parce que les peuples autochtones planétaires ont besoin de stabilité émotive. Quand ils sont stables émotivement, les autres appellent ça le bonheur. Mais le bonheur est toujours déstabilisé parce que dans la stabilité, il n'y a pas d'évolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ascension, il n'y a pas d'amélioration de la condition sociale, il n'y a pas d'amélioration de la condition humaine. Tant que le volcan crachait sa lave et qu'il tuait du monde, on se disait on va tuer quelqu'un, on va y offrir. S'il y en a peu, il s'est. Il en voulait deux. Mais là, c'est une grosse éruption volcanique, elle va durer 6 mois. Mais là, il y en a un, il continue, il en veut plus. Il y en a un autre, il continue, il en veut plus. Après 15, il arrête, on dit crime. Là, il y a la fin, maudit, il a fallu qu'on tue 15 personnes. L'humain cherche des stabilités. Quand le volcan s'est éteint, c'est le bonheur, on est heureux. La planète Terre est un phénomène qui vise l'entropie. Puis dans sa mécanique d'entropisation, donc de recherche de l'état de la stabilité totale, ben nécessairement, ça crée des ruptures au niveau de la stabilité psycho-émotive humaine qui fait en sorte que l'humain est toujours confronté à des tremblements de terre. Qu'est-ce que c'est qu'un tremblement de terre? C'est une entropie. Il y a deux plaques tectoniques qui s'appuient les unes sur les autres, soit qu'il y en a une qui veut prendre la place de l'autre, ou simplement qui monte lentement vers le nord, ou vers le sud. Bon, ce qui arrive à un moment donné, c'est que ça s'appuie, puis à un moment donné, ben, ça bouge. Qu'est-ce que ça fait? Ça se stabilise. Mais à l'échelle de l'humain, la stabilité tectonique vient d'engendrer un mouvement, un bouleversement, un tremblement de terre, avec des morts, avec des destructions de la matière et avec obligation de reconstruction. L'être humain recherche continuellement sa stabilité. À l'instant où un être humain veut amener de la conversion, expliquer, rationaliser, se justifier, il crée des bouleversements d'instabilité. Et c'est pourquoi on ne doit jamais faire ça. On ne doit pas essayer d'expliquer à quelqu'un des choses. Quelqu'un qui vient de conférence régulière, ben là, je dis des choses, il vient ou il vient pas, c'est simple. Mais je n'ai jamais tenté d'expliquer, ni aux politiciens, de temps en temps, il faudrait faire un petit séminaire, bon. Mais pas, j'explique simplement ce qu'ils sont en train de comprendre, ou ce qu'ils comprennent déjà, mais qui ont compris tout croche. Bon. Mais ce qu'on ne doit pas faire, c'est d'expliquer à ses voisins, son entourage, à ses compagnons, compagnes de travail, s'il y en est. On doit créer de la stabilité chez eux. Parce qu'ils fonctionnent astralement, donc ils fonctionnent en fonction de la stabilité. Parce qu'ils fonctionnent astralement, ils fonctionnent en fonction de la stabilité, on doit chez eux engendrer la stabilité. Pour engendrer la stabilité, on doit créer l'habitude. Pour créer l'habitude, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est d'être immédiatement soi-même. Alors, c'est pas long, ils vont crier. Donc, c'est normal. Il faut bien qu'ils disent quelque chose. Ils vont crier, ils vont protester, mais ils vont s'habituer rapidement à ce que vous êtes. Là, on vient de créer une stabilité. On n'a pas expliqué, on n'a pas rationalisé, on leur a pas donné des mots pour qu'ils puissent nous condamner plus fort. On n'a rien dit. Oh, c'est simple. Mon plus jeune frère, moi, c'est un herbette total. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent. Et en plus, il applique assez ce qu'il est. Alors, c'est évident qu'à un moment donné, il est invité à une réunion de famille à Noël, et puis lui, il dit qu'il ne veut pas y aller. Pourquoi? Parce que ça fume trop. Oh, ben là, c'est pas une bonne raison. Ben, il dit, c'est simple, j'y vais pas. Ben oui, mais pourquoi? Mais j'y vais pas. Oui, mais là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de nourriture, qu'on lui dit, tu sais, de la bonne bouffe, tu vas aimer ça. Non, c'est pas mon estomac, c'est pas la... Si vous voulez éviter mon estomac, ma tête n'ira pas. Donc, j'y vais pas plus. Puis il lui a raccroché. Quelle impolitesse! Ben là, ça l'a cristallisé une frustration sur tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de monde de la famille qui veulent le voir, parce que chaque fois qu'il le rencontre, il repart frustré. Mais lui, ça l'arrange. Il veut d'ailleurs pas aller voir. Il a réglé le problème. Il n'y a personne qui l'appelle, il n'y a personne qui l'invite, il n'y a personne qui ne fait plus rien. S'il veut aller voir quelqu'un, il y va, puis le lendemain, il recrée une liaison avec un tel, avec une telle, puis ça va. Il va aller voir ce qu'il voulait. C'est tout. Il est plus invité. Il ne veut plus être invité. Il a réglé le problème. L'humain doit faire ça. Maintenant, quand je rencontre le reste de la famille, il n'y a plus personne qui parle contre lui. Il trouve tout que c'est dommage. Pour lui. Qu'il soit le même. Mais là, maintenant, c'est devenu de la compassion. Mais il s'informe. Est-ce qu'il a changé? Il est-tu mieux? Mais il n'y a plus personne qui l'aïe. Là, les gens attendent des nouvelles de guérison. C'est tout. On a créé, lui, ce qu'il a créé, mais c'est ce qui arrive, simplement, la stabilité psycho-émotive et au lieu de la rationalisation. Tout leur expliquer l'intelligence qu'ils traversent, ça ne servira jamais à rien. C'est la même chose. Moi, les gens qui m'entourent de près ne savent pas grand-chose. Ils savent que je suis bizarre. Puis, c'est une bizarrerie acceptable parce qu'il faut croire que ça me fait vivre. Il faut croire que je n'ai pas l'air d'un gars malheureux, je n'ai pas l'air bon, mais ça va. Et puis progressivement, ben, lentement, la stabilité elle est défaite par l'extérieur, mais c'est très, très minime, donc ça reste une stabilité incrémentatoire. Si, c'est bien. On ne doit pas rationaliser, on ne doit pas expliquer, parce que ça devient de la justification. Et le maudit problème, c'est que quand on est encore dans l'habitude d'expliquer à autrui, on garde l'habitude d'expliquer à soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a une intuition particulière, puis on commence à vouloir se donner raison, se justifier notre intuition. Là, on l'a défait toute. Et c'est ce qu'on va arriver à rationaliser à partir de l'intuition n'est pas en accord, en correspondance avec ce que l'ego demande, eh bien, on va refuser l'intuition. On se refuse. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, vous n'êtes pas vous-même. Pourquoi? Parce que vous ne vous trouvez pas correct. On n'est jamais, jamais correct. Je suis certain, moi, et que si... C'est intéressant, je suis certain et certaine. Oui, je connais les personnes. Je suis certain et certaine que... pas un jour. Que la majorité, si vous vous regardez, pas regarder la personne à côté, là, mais à un moment donné, on se jette un peu dans la salle, et puis là, c'est pas long qu'il y en a ici qui des gars qui peuvent dire, trouver qu'un tel a une belle... Lui, il a une belle moustache. Un autre, lui, a dit... je suis pas bon pour toi, là-bas, là. Et puis... Intel, il s'habille de même, il me semble, c'est fait plus. Les femmes aussi, même chose. C'est sûr que ça se fait probablement moins dans un groupe de séminaristes. Inconsciemment, il y a toujours un truc dans le genre qui se fait. Alors que l'individu que vous trouvez correct, lui, se sent pas correct, puis il trouve un autre correct qui se sent pas correct, puis lui, vous trouve vous correct, qui vous sentez pas correct, puis vous, vous trouvez l'autre correct. Il y a un bonhomme un jour qui a dit, puis c'est idiot. Mais il a raison. Mais c'est fanatiquement idiot. Lui, il a dit, écoute, ton corps physique, tu ne pourras jamais l'améliorer pour qu'il te plaise. Alors, si tu ne peux pas améliorer ton corps physique, tu ne peux pas changer ton corps physique, change donc la vision toute de ton corps physique. Fait que, essaie de te voir aller, toi, là. Ben oui, mais crème, si je change ma vision, j'aurais rien changé en réalité. Je vais toujours être la même. Donc, ça fait comme bizarrement con. Sauf que, présentement, ce que vous n'aimez pas de vous fait partie de la même vision dangereuse que si vous changez la vision pour parvenir à vous aimer. Autrement dit, disons que tu te trouves laid. Disons que tu es conscient, là. Puis que tu te trouves laid. Donc que tu te trouves laid. Quand même. Tu te trouves laid. Là, si je te dis, change la façon de te voir. Tu te trouves beau. Ouais, mais ça ne changera pas rien à la réalité que je suis laid. C'est que la vision que tu as de toi, c'est elle qui te fait voir laid. T'es pas laid. T'es pas beau. Il faut comprendre. Parce que le bonhomme, il n'a pas été aussi loin que je vais là, mais... Votre corps physique, il n'est pas beau, il n'est pas laid. Je C'est un véhicule moléculaire qui permet des expressions, des cristallisations mémorielles pour permettre une ascension vers la fusion. Bon. On regarde notre corps physique, on trouve pas ceci, puis on trouve pas cela, etc., etc. Mais uniquement parce qu'on vous a implanté une vision pour faire en sorte que ce que vous allez voir soit débile. Une femme va dire, oui, mais écoute, tu sais, j'ai le nombril entre les deux seins. Bon, c'est pas une question de vision, j'ai les seins un peu longs. Une autre femme va dire, maudit que mes seins sont courts, ils sont petits. Et à un moment donné, ça va être la mode des seins longs. Fait que les femmes vont se détirer, hein, ils vont porter le bébé dans le dos et mourir. À un moment donné, c'est la mode des seins courts, fait que là, les médecins vont faire de l'argent. La vision des choses change. C'est évident que lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous le trouvez beau, c'est nécessairement parce que votre cerveau est truqué. Il y a certains personnages que vous trouvez jolis, puis il y a d'autres personnes qui vont trouver les mêmes personnages moyens, sinon très laids. Donc, on a la capacité de se jouer des tours. Mais les personnages que vous trouvez beaux ou belles, si je vous demande qu'est-ce qu'ils ont de si joli, vous allez commencer à me le décrire. C'est ce qui vous fait croire que c'est la réalité. Et si je vous demande un tel est laid, pourquoi, vous vous trouvez laid ou laid, pourquoi, vous allez commencer à me décrire. C'est ce qui prouve que pour vous que c'est la réalité. Dans la psychologie, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous n'aimez pas de votre intelligence? On va commencer à décrire. Mais tout ça fait partie de la vision des choses. Moi, je n'aime pas le mur là-bas parce que le mur là-bas, il est rouge. La crème, il n'est pas rouge, il est bleu. Regarde, il est bleu, il est beau. Il est rose avec des pois verts. Le gars, il n'a pas brossé la peinture comme il faut, les pois sont tout en bas. Bon. Il regarde. C'est ma vision. Quelqu'un d'autre va dire, ben non, il est beau là-bas, il n'est pas rouge, il est pas mauve, il est pas rose. Regarde la couleur qu'il a, il est correct, ça va bien avec le rose qui est à côté. Mais on va s'obstiner, tous les deux, on va avoir des raisons, des arguments absolument inviolables. Vision des choses. L'être humain doit travailler pour améliorer sa vision des choses, mais la seule façon d'améliorer sa vision des choses, c'est de rencontrer l'élite qu'il recherche. Puis l'élite qu'il recherche, il va le rencontrer uniquement s'il le laisse s'exprimer chez lui. Ça veut dire être politisé, ça veut dire être opinionisé, ça veut dire être soi-même. Puis être soi-même, ça veut dire de faire... Non. Être en deuxième, ça veut dire de faire ce qu'on doit faire. Mais en premier, ça veut dire être capable de faire la différence, la dissociation complète et totale entre ce que je suis et ce que je ne suis pas. Qu'est-ce que tu n'es pas? Je crois que tu ne me le demandes pas. Qu'est-ce que je ne suis pas? Ben oui, là, si je serais psychanalyste, je te poserais des questions. Est-ce que tu souhaitais réellement que je ne te demande pas? Non. Donc, ça fait partie de ce que tu n'es pas. Ce serait facile à dire. Ben oui, mais c'est ça! Qu'est-ce que tu n'es pas? Mais je ne le vois pas, ce que je ne suis pas. Parce que, présentement, si tu le verrais, tu saurais. Alors, évidemment, pour ne pas savoir, tu sécrètes des endorphines qui font en sorte de t'annihiler un peu la conscience. Qu'est-ce que vous n'êtes pas? Ben là, je peux y aller. Moi, là, je suis qu'à simplement les syndromes du règne humain, là. Tu sais, tout ce qui fait dire, ben écoute, tu n'es pas parfait, tu es humain, bon, c'est cela. Es-tu... Dans l'intelligence, je pose la question à tout le monde, lui qui répond pour lui, es-tu un maudit gros chioleux? Es-tu ça? Un chioleux. T'es un chioleux? Oui. Est-ce que t'es? Tu me confirmes? Mais non, je te pose la question. Ben, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce que c'est ça que t'es, un gros chioleux? C'est une chose qu'il faut que je travaille. C'est parce que... Mais qui veut travailler ça? La partie qui veut évoluer. Puis c'est qui cette partie-là? Sac-moi ça dehors tout de suite. Pourquoi? Elle vient de où, cette partie-là? Riez pas, c'est de même que vous réfléchissez quand vous commencez à savoir ou quand on vous approche. C'est son ajusteur qui m'a branché. Mais si vous êtes attentif, on va en brancher plus qu'un. C'est bon, arrêtez les nouilles! Pose la question. Qu'est-ce que tu n'es pas? Es-tu un gros chialeux? Non. T'es pas un gros chialeux? Non. Pourquoi? Parce que c'est le... Ça fait pas une certitude ce qu'on fait, réponds. Non, non, OK. C'est parce que je ne veux pas dire que je suis un gros chialeux, parce que je ne suis pas un gros chialeux, je chiale, j'ai une partie d'ego qui facilement peut chialer. Mais étant donné que je me conscientise là-dessus, je suis conscient de ça, je suis très peu chialeux comparé... T'es conscient de quoi? De ce phénomène-là. Quel phénomène? Que j'ai tendance, que ce qui m'a une partie d'ego chialeuse. Si t'es conscient qu'une partie d'ego chialeuse, la partie d'ego chialeuse, est-ce que c'est elle qui est consciente? Moi, c'est l'intelligence, mais c'est parce que ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est... C'est parce que tu n'es pas encore capable de faire la dissociation. C'est parce que mon ego est là en même temps, puis c'est comme si c'était une possession qui veut rentrer chez moi. C'est comme si je voulais posséder par l'intelligence pour venir observer ce qui se passe. Parce que tu observes l'ego, puis l'ego observe l'intelligence. Alors, qui es-tu? Eh bien, je suis! L'ego se sent à dire, écoute, c'est pas l'intelligence. Tu es l'ego, mais en même temps, l'intelligence. Mais moi, c'est comme les autochtones. C'est que, étant donné que l'ego est là avant. C'est comme les autochtones, moi, je ne m'entends pas jaser avec toi. Non, mais c'est que. C'est une question de territoire. Qui est arrivé le premier? C'est comme si l'intelligence est arrivée en deuxième. Moi, j'ai rien contre. T'es arrivé en deuxième, d'accord? Mais même si vous arrivez en deuxième, est-ce que ça fait que vous êtes plus vous autres? C'est sûr, votre corps était astralisé, votre corps était homogénéisé dans l'astral. C'est évident. Théologisé, puis oui, non, etc. C'est correct. Mais maintenant, là, l'automobile est fabriquée. Quand tu rentres dedans, là, t'es devant vous, êtes-vous une automobile? Non. Même si tu as une crevaison, puis même si tu viens encore de Cali, puis même si tu es à plat, puis... Non, j'ai peur de me... Mon ego, c'est ça. Mon ego est encore là, puis elle ne veut pas perdre sa place. C'est ça, là. C'est ça. Puis, est-ce que ton ego sait que sa place est déjà perdue? Presque. Non, elle dit presque parce qu'elle ne veut pas perdre elle sa place. Elle lâche pas. C'est ça. Mais là, c'est tout le monde comme ça. On prend un exemple. L'exemple est bon, mais c'est tout le monde comme ça. L'individu qui, à un moment donné, est instable, est insuffisamment solide du point de vue neuro-endocrinien, va se faire hériter par l'intelligence, puis lui, il devient une astralisation de l'intelligence, et puis là, il peut devenir une personne fanatique du peu d'intelligence qu'il a traversé. Il faut pas. Il faut rester stable. Il faut rester totalement fonctionnel. Il faut rester totalement humain. Sauf qu'il faut absolument que l'humanité qu'on va rester soit chapeautée parce que nous sommes dans l'intelligence. L'alliance entre l'intelligence et l'humain, c'est ce qui peut être attiré par l'utopisation. L'être mieux. Mais l'être mieux, il est mieux parce que quand il monte à bord de son automobile, si la batterie est à plat, il est mieux parce qu'il ne chiale pas. Parce qu'il n'a pas l'impression d'être impliqué dans le manque d'énergie de l'accumulateur. Parce qu'il n'a pas l'impression d'être limité. Parce qu'il n'a pas l'impression de se faire fourrer. Ce que je veux dire, c'est que quand ton intelligence descend dans ton corps, puis que ton corps, un matin, ne veut pas se lever, mais l'intelligence n'est pas frustrée. Elle n'a pas l'impression que c'est elle, puis que c'est ici. Non! Elle relaxe, elle observe les choses, elle observe ce qui est en dedans. Autrement dit, un être humain intelligent dans une automobile qui ne démarre pas, elle sort doucement. Il ne claque pas à la porte parce que la batterie tape là. Il sait qu'il n'y a pas de liaison entre la porte et lui. Bon. Il ouvre le capot, il regarde ce qu'il peut y avoir. Il gueule après rien parce qu'il n'y a rien là-dedans qui va comprendre ce qu'il va dire. Et il cherche simplement ce qu'il va. Si ça ne va pas, il fait venir quelqu'un d'autre. Si ça fonctionne, il le trouve. Ça arrive souvent, il change d'automobile ou encore il apprend la mécanique. Bon. S'il est très intelligent, il sait la mécanique, il est bon. Et puis à un moment donné, il sait très bien que lorsqu'il va être suffisamment rayonnant et centré chez lui, l'automobile ne pourra plus ne pas démarrer. Quelqu'un va voler la batterie. Le démarreur va quand même tourner parce que c'est pas nécessaire qu'il le sache. Toi, quand tu es intelligent, tu rentres dans ton corps physique, où il manque encore de dissociation. La dissociation, c'est évident que là, il faut que tu rejettes l'empire d'un gouvernement, d'un politicien qui était l'ego, qui dirigeait tout sous forme de médiocratie, d'homogénéisation. Il faut simplement que tu constates que ce n'est pas toi qui vis les mécaniques planétaires, mais que toi, progressivement, tu vas imposer ta centricité au véhicule assujetti au plan planétaire. Parce que là, il y a effectivement une déstabilisation entre l'ego et l'intelligence. Ouais. Qui suis-je, l'ego ou l'intelligence? C'est une question. Qui pose la question? Ben c'est ça. C'est l'ego qui pose la question. Donc, en partant, tu sais très bien qui tu es. Oui, mais c'est à condition que l'ego accepte que c'est l'intelligence qui doit régner. Même pas. Parce que c'est toujours l'ego qui parle présentement. Oui. Mais l'intelligence parle. Ton ajusteur est connecté, puis il l'a juste en maudit, ce que l'ego compte. Oui, il n'y a pas le choix. Je fais attention à ce qu'il dit. Je ne fais pas attention à ce qu'il dit, il se met me planter. Pour que ton ego accepte de m'interviewer régulièrement, pour que ton ego soit fait en tabarnouche. Ou bien non, il faut que ça soit bien manipulé par l'intelligence, la tienne. Faire la dissociation, c'est tellement banal. Vous êtes des êtres intelligents. Super, un être. C'est parce qu'au départ. Mais les êtres intelligents continuent à jouer comme s'ils étaient. L'exemple que je t'ai donné, je le redonne, il est intéressant. Tout le monde ici, on se ramasse en Amazonie. On est tous éparpillés à travers le bouclier amazonien. Parce qu'on se voit pas, c'est grand, c'est plus grand que le Québec. Et puis on vit tous avec une tribu. Et puis ça fait 15 ans qu'on est là. Et là, vous êtes tous très bien équipés. Vous avez des trousses de premiers soins, des bottes, une montre, une boussole, un couteau. On est équipé pour vivre dans la jungle confortablement avec un matelas gonflable et puis une tente. Bon, là. Et puis à un moment donné, vous marchez dans la jungle et puis là, vous vous égratignez le bras après une épine. Puis là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un diachylon, vous le placez par-dessus, vous désinfectez la plaie, vous le placez par-dessus, vu que ça saigne un peu, que ça finit là. C'est ça que vous devriez faire, n'est-ce pas? Mais si vous agissez dans la jungle comme vous agissez dans vos corps, c'est pas ça que vous allez faire. Vous allez vous mettre à genoux, vous allez commencer à manger de la terre, vous allez embrasser les racines de l'arbre, vous allez lui mordre le tronc, pour pas que ça soit toxique. Après ça, vous allez vous rouler sur vous-même, et vous allez vous donner des coups. Oui, parce que tous les indigènes font ça quand il y a un stable-là, on vient les égratigner. Ils font tous ça. Alors, on ne peut pas faire autrement. De toutes les raisons que vous allez donner à, disons, me donner si je passe par là, puis je lui demande pourquoi tu fais ça, pourquoi tu ne désinfectes pas, tu ne mets pas un diachylon. Ah, écoute, on ne peut pas faire ça comme ça ici. Vous allez avoir les mêmes maudites raisons que vous avez pour excuser le fait que vous restez comme des autochtones dans vos corps. Alors que vous avez la science, donc le savoir. Vous avez l'énergie. Vous avez tout ce qu'il faut pour être capable de faire ce qu'il faut. La nuance, c'est que si le peuple vous ramasse et vous fait manger de la terre pour vous sauver la vie malgré vous, c'est évident que vous allez manger de la terre. Mais là, il y a une maudite nuance entre le faire soi-même parce qu'on est convaincu que, écoute, c'est comme ça que ça se fait, et on ne se sert plus des outils qu'on a qui proviennent de notre monde. Bref, ça vaut même pas la peine de venir d'un monde intelligent, technologiquement plus avancé. Il y a une différence entre ne pas le faire et se le faire. Tout croche. Autrement dit, à un moment donné, toi, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. C'est pas une manipulation de l'extérieur qui t'oblige à, c'est encore parce que tu te rejettes. Oui, mais moi, je veux être un bon autochtone. Tu peux être un bon autochtone. Puis quand tu coupes, tu désinfectes, c'est bien dire, je suis donc, puis tu continues d'être un bon autochtone. Tu n'as pas besoin de te trouver dans la terre parce qu'eux autres le font. À un moment donné, il faut te tirer les babines pour te mettre une palette là-dedans, de façon à pouvoir boire de la nourriture avant de la manger. Bon, il va falloir que tu te mettes des os dans le nez, tu fasses des gros trous, puis plus il y a un courant d'air qui passe là-dedans, plus t'es beau et belle. Après ça, il faut que tu te mettes des collets en métal pour allonger ton cou. Parce que c'est esthétique. Avoir les vertèbres cervicales totalement disloquées. Puis après ça, tu t'accroches des enclumes après les oreilles, de façon à faire descendre ça assez grand pour être capable de voir à travers. Bon. Là, t'es beau, t'es belle, t'es correct. Puis si on vous demande, arrêtez de faire ça. Ça, ça veut dire, ben oui, mais crée, mais moi, là, faut que j'aille travailler demain, tu sais, faut que... Ah, ben ouais, ben oui, j'aille travailler dans le tribu. Restez comme vous êtes. Quand tu descends dans ton corps, quand vous descendez dans vos corps, quand vous êtes là, vous êtes réveillé, plus capable. Là, il y a une crevaison par l'automobile, on chiale. Ben oui, c'est comme ça, on chiale, tu sais, s'il faudrait mordre le pneu, on mordrait le pneu. Priez pas, c'est la même chose. C'est identique. Puis là, c'est pas une question de frustration, je vous explique une mécanique. chaque fois qu'on fait quelque chose, non pas pour supporter l'énergie de notre intelligence qui descend à travers la forme, chaque fois que l'on altère la forme uniquement pour être capable de supporter notre faiblesse psycho-émotive en face des autres. Puis quand je dis en face des autres, on n'a pas besoin d'être avec les autres. En face des autres, uniquement tout seul chez soi, c'est la même chose. Au cas où quelqu'un arriverait, finalement, qu'on va dire. Combien font le ménage pour eux? Combien le font pour les autres? Combien s'habillent pour eux? Combien s'habillent pour les autres? Il faut faire attention, parce qu'après ça, on explique dans la politique sociale. On va expliquer aux femmes, par exemple, qu'elles doivent être belles pour elles. Parce que sans ça, il n'y a pas un gars qui peut la regarder. Alors c'est sûr que l'homme, c'est la même chose. Les hommes, ils doivent être machos, des gros muscles, ils transpirent un petit peu pour eux autres. Et finalement, c'est pour eux autres. Quand je rencontre, moi, des petits jeunes à casquette, là, puis je leur dis, tu t'es rendu compte que t'es collectif? Non, moi, c'est moi, c'est moi le premier d'affaires qui m'est mieux une casquette. Hein. Moi, c'est parce que j'aime ça. Ben, vous êtes 800 000 juste au Québec à aimer ça. Pas collectif? Vous aimez les mêmes couleurs en même temps. Non, moi, c'est parce que, c'est ça le maudit problème. Tu es intelligent, hein, vous êtes intelligent, on vous met dans un contexte particulier, puis subitement, après un laps de temps qui est très très court, quoi, quelques 30 000 ans, vous abandonnez totalement votre intelligence, puis là, subitement, bien, vous considérez que vous n'avez pas le choix. L'humain est manipulé, oui, l'humain est manipulé, mais les forces manipulatrices de l'humain ne proviennent pas tous de l'intérieur, elles proviennent souvent de l'extérieur. Se politiser veut dire se déconnecter des forces manipulatrices externes. Si vous n'avez plus besoin de vous sentir X, Y, Z devant autrui, vous rendez-vous compte de la puissance manipulatrice qui vient de tomber. Même chez soi, il restera des manipulations internes à cause d'habitudes de programmation et de manque d'énergie. Mais notre énergie, on en perd tellement à travailler là où il ne faut pas, donc dans le cholage, le jugement, la justification, sans compter tous les astreintes qu'on va se placer dans le but de bien paraître au niveau du collectif. À l'instant où l'être humain se politise, donc s'opinionnise, lorsque l'humain commence à avoir une opinion de lui, pas une opinion toute faite, une opinion de lui, ça ne veut pas dire, ben moi je pense que je suis très bon, que je suis intelligent, que c'est pas une opinion. Ça, c'est pas une opinion. Une opinion, ça doit venir du fin fond d'intelligence. Une opinion, c'est quelque chose qui sort adapté instantanément à l'occasion où on en a besoin. Une opinion, c'est ça. C'est en parole, c'est en gestuel, c'est en vestimentation, ça n'a rien à voir. Une opinion, c'est quelque chose de spontané. Si ce n'est pas spontané, ce n'est pas votre opinion, c'est l'opinion collective. Que pensez-vous de ceci? L'opinion collective conventionnelle, c'est que, je n'ai pas d'opinion, je ne sais pas. Première opinion. On demandait dernièrement à des Français à Paris, le Québec, qu'est-ce que c'est? Le Québec. C'est pas un État américain. Bon, on demandait à d'autres Français, le Québec, attendez, c'est un pays. Le Québec, c'est un pays tout près du Canada. Donc, le Québec, je ne vois pas, à Paris. Bon, il a demandé, ils ont pris un Québécois. C'est quoi le Québec? Le Québécois a répondu, il était chaud. Bon, ça va. Mais, il a demandé aux Parisiens, c'était quoi le Québec? C'était où le Québec? Chacun veut son opinion. Parce qu'il faut avoir une opinion. Vous ne le savez pas. Ça, c'est avoir une opinion. Mais dans le contexte public, avoir une opinion, c'est pas de ne pas le savoir. Avoir une opinion, c'est être capable d'être simplement ce que vous êtes vous-même. Que pensez-vous de l'idée de la séparation du Québec? Vous ne pensez rien de ça. Parce que fondamentalement, si vous avez une opinion, vous allez être contre n'importe quelle forme de séparation. Si vous avez une opinion. Sauf évidemment si la seule voie d'expression de l'intelligence passe par une séparation. Mais normalement, si vous avez une opinion intrinsèque, vous allez vous rendre compte que séparation, dans une conscience planétaire, on continue à se séparer. Trop brillant. Il y a d'autres façons de régler le problème. Là, on va vous demander, c'est quoi l'autre façon? Je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est qu'il y en a d'autres. Vous avez une opinion. Avoir une opinion, c'est simplement être capable de communiquer spontanément ce que nous sommes. Êtes-vous pour le fait que les humains se séparent, se détestent, créent des frontières, créent des limites, créent des compétitions? Êtes-vous pour ça? Non? Bien, nécessairement, vous n'êtes pas laissé, vous n'êtes pas pour n'importe quelle forme de séparation. Bon. Êtes-vous pour la paix? Oui. Êtes-vous pour la paix, même s'il faut qu'on fasse la guerre pour aller la chercher? Là, il y en a plusieurs qui disent non. Bon, êtes-vous pour la paix, même s'il faut que d'autres fassent la guerre pour aller la chercher? Alors, les gens viennent de changer. Là. Si on fait la guerre, ils peuvent être pour. Ce n'est pas des opinions, ce sont des réactions. C'est extrêmement important. L'humain agit exactement comme s'il n'avait pas accès à son intelligence. Pour la simple raison qu'il n'est pas opinionisé et qu'il n'est pas politisé suffisamment. Cela veut dire que la personne, elle a tout ce qu'il faut pour être brillante, elle continue à vivre comme si elle était un individu totalement dépourvu d'intelligence. L'intelligence vous sert à quoi? Dans la majorité des cas, l'intelligence vous sert uniquement à vous amener à un degré particulier de frustration. C'est bien. Il faut canaliser cette énergie-là à un moment donné pour défoncer les portes. On peut défoncer les portes sans ça. Mais au minimum, tant qu'à être frustré, tant qu'à être écœuré, ne gaspillons pas l'énergie en chiolage, conservons-la. Sauf que la majorité des gens se servent de leur intelligence uniquement pour parvenir à ça. Bon, à un moment donné, là, ils deviennent en colère. Mais cette colère-là, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie prête à faire quelque chose. Parce que l'individu n'a pas suffisamment d'opinion, parce que l'individu n'est pas suffisamment politisé, son énergie qu'il a pour pouvoir la canaliser, bien, il ne sait pas quoi faire avec la canalisation, donc il la canalise dans des structures qui ne servent à rien, ou il l'éjecte avant d'en avoir suffisamment. C'est extrêmement important de cesser de vivre comme si vous étiez des êtres intelligents dans un peuple autochtone, puis là, vous vous êtes ajusté à ce qu'il y a de plus bas. C'est évident qu'il y a une forme d'ajustement. Quand j'étais au Pérou, on va voir une tribu. Puis là, le grand sorcier, la première chose qu'il veut faire avant qu'on rentre là, puis on sait très bien que c'est un amalgame pour touristes, c'est de prendre un fruit rouge et de nous étamper un rond sur le front. Puis on est six à connaître toutes les manipulations astrales, les phénomènes théologiques, les phénomènes ancestraux, tout ça au complet. Quand on le voit le petit vieux arriver avec sa bebelle, là, avec ses plumes, ses cossins, puis on sait en plus qu'il s'est habillé de même uniquement pour nous faire plaisir, parce qu'on avait espionné le village d'Angers quelque temps avant, puis il était habillé en jean. Mais quand on arrivait tout proche, il y a quelqu'un qui criait « Ouh, ouh, ouh, ouh! » Tout le monde partait à courir, là. Ça s'habillait tout, avec des cossins en paille. Puis ça arrivait en courant, puis là, c'était ouf, là, c'est bien correct. Et puis là, ils te mettent une affaire rouge dans le front. J'aimerais te voir, puis j'aimerais en avoir un paquet ici. La majorité, vous refuseriez. Mais c'est ça le problème. Là, s'ajuster, c'est d'accepter d'avoir le gugus rouge dans le front. Ça, c'est pas vivre en autochtone. C'est vivre en être intelligent qui s'adapte à un contexte particulier. Là, à un moment donné, ben, eux autres, tu fais ta danser, tu croches au travail, font ci, font ça, ils veulent que tu embarques. Si tu restes deux jours, tu peux embarquer. Si tu embarques, tu embarques. Si tu n'aimes pas ça, tu leur dis. Avez-vous remarqué comment épais est l'homme blanc? Partout où il va, et aujourd'hui, c'est encore comme ça, plus il y a d'intelligence dans un peuple, il y en a dans les autres, colorations, mais surtout au niveau de l'homme blanc. Mais plus il y a d'intelligence dans un peuple, plus il s'aplatit devant la stupidité. Quand les hommes blancs commencent à faire des affaires avec les Japonais, qu'est-ce qu'ils apprennent à faire? À saluer. Et ils vont faire salut. Ils saluent 4-5 fois, puis ils saluent, voyons. Ouais, ils ont tout appris. Il ne fallait pas qu'ils pensent trop bas, parce qu'il fallait qu'ils se mettent au moins au niveau de l'autre, ça ne va pas. Ils ont tout appris ça. Quand les Indiens viennent danser au Parlement, on les laisse danser. Plus, plus le coffin est en temps, puis quand on rencontre les Soviétiques, on apprend leur tradition. Il y a même des cours complets au niveau de l'exportation d'affaires canadiens, américains, etc., puis européens, qui se donnent là-dessus. Vous allez en Arabie, apprenez l'Arabie, tu sais, apprenez les salams, apprenez les traditions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un maudit parmi eux autres qui vont vouloir s'adapter ou non à nos traditions. Nous, notre intelligence, on s'écrase. C'est le problème. Là, on est sur la planète Terre, on s'écrase encore. Et s'adapter, ça ne me dérange pas. Je vais au Japon, je vais saluer en japonais. Il vient ici, il va me serrer la main, il va s'écraser là. S'il salue, qui salue, ça ne me dérange pas. Moi, je ne salue pas. Là, on parle d'ajustement. Mais ce n'est pas comme ça. On va recevoir le grand Micmac de Mishitobushi, ici, là, quelque part. Ben, tous les employés doivent apprendre à saluer, hein. Elle est secrétaire, elle salue jusque-là. Lui, il est premier, il salue jusque-là. L'autre est directeur jusque-là. Ben, absolument. C'est important. Mais l'intelligence, c'est ça, l'intelligence, elle concède, elle, par exemple... Mais l'intelligence, c'est la médiocratie. Plus on est intelligent, plus on se sent inférieur. Moi, ce que je te dis, c'est que le bouton rouge dans le front, prends-le. Puis après ça, ils partent, ils vont chasser du singe, puis ils mangent cru. Bien, tout le fait cuire. Bien, ils n'en reviennent pas que tu fasses cuire, que tu gorges la bonne viande, du bon sang comme ça. Ils n'en reviennent pas. Bien, qu'ils n'en reviennent pas. Chez eux, par contre, oblige-les pas à faire cuire leur viande. Pour être capable de supporter ta cuisson. Mais mange pas la viande crue si t'aimes pas ça, puis si du point de vue de ta santé, c'est pas correct, ou du point de vue de l'astralité, parce que tu sais très bien qu'en prenant du sang, tu vas t'animaliser, tu deviens bien du GRM, tu ressembles aux autres. Donc tu le fais pas. Pourquoi tu sais pas si c'est pas ça? Parce que c'est meilleur pour la santé. Oui, non, il en mange depuis 3000 ans, c'est meilleur pour la santé. Oui, non. C'est de l'air, c'est ce qu'il y a d'autre. Bon. Ah, mais parce que c'est. Rationalise pas, mange de la viande. S'il veut goûter, il en donne, il aime pas ça, c'est fini là, il aime ça, il en pas cuit. Mais là, t'as pas converti personne. Mais toi, tu restes ce que tu es. À un moment donné, il y a une grosse fête. On aimerait que tu sois là. Ben, tu peux y aller. C'est de la relation publique. Ça permet l'imprégnation, le mélange énergétique, ça te permet de comprendre le peuple. Ils sont pas épais. Ils partent d'un niveau refroidi de conscience. Ça te permet de comprendre le peuple. Mais pour insister à la fête, il faut absolument que tu t'habilles avec un petit tutu. En paille, il faut qu'on te mette des décorations partout. Puis là, il faut qu'on te perce les oreilles avec un bambou de 1 pouce de diamètre. Tu acceptes le tutu, tu acceptes les colorations, puis quand c'est dans nos oreilles, tu leur expliques que tu peux pas. C'est pas question. Là, ils veulent absolument, tu sais, j'ai pas, non, moi je vais à votre fête, là, j'ai mis tout ça au complet ici, là, je vais à votre fête, comme ça, sinon je vais pas à votre fête. L'insulte! Mais là, Christy, réveillez-vous! Tu m'insultes de me percer les oreilles! Vous aussi, là, vous êtes insulté! Jamais! Celui qui a de l'intelligence, là, ah ben là, crime, là, je lui, jamais insulté. Ah, mais vous, c'est... me dire une chose, là. C'est parce que. Bon, je peux tenter plein, moi, le plus est. On me disait ça quand j'étais jeune, c'est plus intelligent, va, quand je suis avec mon frère, plus intelligent va arrêter. Ben oui, c'est ça. Il veut être intelligent, donne-y. Il veut te faire gueule d'intelligent, donne-y. Ben, c'est ça qui débute les guerres. Si, par exemple, je m'adapte, je sais que je vais frustrer... C'est pas ça qui débute les guerres. La première fois que ton frère a touché à une chose qu'il ne fallait pas, si immédiatement tu agissais comme il fallait, il n'y aurait jamais eu de guerre, puis il y aurait compris. Il y aurait eu la paix en vie. OK, mais dans le... Les peuples pacifiques, là, se laissent irriter. À un moment donné, là, le peuple belligérant prend du terrain, comme ils font aux Autochtones, prend du terrain, tu dis rien. Mais à un moment donné, là, ils ont tellement d'acquis, ils sont tellement sûrs que tout va bien, que leur conscience astrale finit par s'enclencher uniquement dans cette vision-là. Mais quand tu dis, wow, une minute, ah ben là, il n'y a plus personne capable de le supporter. Pourquoi? Tu les as laissés aller. Le moindrement qu'il se passe quelque chose. Bon, on fait une réunion. À un moment donné, il y a des problèmes avec les Autochtones. Les Autochtones, la majorité sont bien corrects. Mais je pense simplement avoir des manipulations astrales, autant chez les Blancs que chez les Indiens. À un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on fait une réunion. Et là, les Indiens, eux autres, ils doivent être rendus à leur réserve avant le coucher du soleil. Les réunions se font pendant l'hiver. Fait qu'ils doivent commencer à partir de telle heure, pas avant. C'est une tradition. Fait que finalement, il nous reste tant d'heures pour faire les échanges. Mais là, il y a une tradition. Il faut faire une heure de prière magique avant. Fait qu'il reste 5-3 heures pour jaser. Mais là, il y a une tradition. Il faut qu'il mange pendant une heure et demie à telle heure. Ah, puis il reste une demi-heure pour jaser. Ça, je suis totalement d'accord. Puis ça ne durerait pas, là. La première fois qu'ils viennent te dire ça, il faut que tu coupes tout. Tu dis, d'accord, on respecte vos traditions une fois sur deux, parce que l'autre fois, on respecte les miennes. Ils ne sont pas d'accord, ça finit là. On ne se parle plus. Là, il va y avoir une frustration, mais comme ils n'auront pas appris à gagner sur l'homme blanc, parce que l'homme blanc est niaiseux, ben, ils vont devoir s'arranger pour dire à un moment donné, ben écoute, finalement, c'est vrai. Si on parle de tradition, ils ont leur tradition, vont respecter l'heure, vont respecter l'autre. Mais si nos traditions, c'est de prier pendant 5 heures de temps, il faut prier pendant 5 heures de temps. Mais dans le cas où tu rencontres quelqu'un pour la première fois, puis tu veux une relation d'affaires, tu as intérêt à t'imposer et à accepter par l'intelligence ce qui fait partie de son respect énergétique. Le Japonais qui arrive, puis lui, là, son respect énergétique, c'est le salut. Il n'y a rien qui va t'empêcher de saluer. Pas parce qu'il est japonais. C'est parce que tu crées une symbiose énergétique. Salut, puis tends-lui la main. Il va te tendre la main lui aussi, puis là, il sait. Lui, il sait que tu es un être respectueux et respectable. Mais il y a vling, puis on s'assoit sur des petits sofas à terre, puis à genoux pour des misères, on prend le tête à l'heure, puis rien de nos traditions. L'humain fait ça. Vos traditions. Là, on parle de tradition pour faire un parallélisme. Il n'y a pas de tradition au niveau de l'intelligence. Mais vos traditions de peuple intelligent, vos traditions d'être intelligent, quand est-ce qu'on t'exprime ici? Jamais. On vous parle dans le village, on s'achète des clients. Quand est-ce que l'être humain intelligent est capable de se tenir? Mais se tenir, ce n'est pas de faire comme les révolutionnaires spirituels astralisés qui n'ont pas compris le principe. Je reviens encore. Ce n'est pas parce que moi, je suis un être debout que si je rencontre à un moment donné un Japonais qui me salue, que je ne le salue pas. L'être intelligent ne devient pas le boss des autres. C'est son maître, il est le maître de ce qu'il est lui. Alors lui, c'est un Japonais, il salue, tu salues. Toi, tu tends toujours la main des relations d'affaires, tends-lui la main après. Il va tendre la main, c'est intelligent. Il ne faut pas avoir peur de frustrer l'autre. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Mais il faut être intelligent. Frustrer l'autre. Pourquoi c'est moins grave que tu passes 5 ans d'affaires frustrer toi que l'autre? Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je ne sais pas que tu es d'accord, je veux que tu comprennes. Je le comprends en plus. Mais je veux que tout le monde le comprenne. C'est que faire la distinction, puis quand tu es dans l'action, c'est d'arriver à ne pas se putainer, puis pas tout briser non plus. Mais il ne faut pas que tu réfléchisses. Si tu as une opinion de toi... Je suis d'accord que si tu es toi-même, mais ça va pas. Si tu as une opinion de toi, l'opinion est toujours l'expression instantanée d'une mécanique, donc nécessairement ça va aller. Je vais vous expliquer des choses, pas au complet, parce que ça va créer des préoccupations qui ne sont pas correctes. Chaque fois qu'au niveau de votre intelligence, et vous ne l'appliquez pas, chaque fois, certains appliquent des choses pas suffisantes. Chaque fois qu'au niveau de votre intelligence, vous êtes altéré, chaque fois qu'on vous oblige ou qu'on attaque votre intelligence, vous devez contre-attaquer immédiatement. Mais contre-attaquer immédiatement ne veut pas dire d'attaquer ou de contre-attaquer l'individu, par exemple, qui vous aurait agressé au niveau de votre intelligence. Ça veut dire de contre-attaquer la mécanique qui autorise dans l'astralité le rejet de votre intelligence. Vous devez vous créer une place en haut, une opinion. En haut dans l'astral, ça doit finir par savoir que vous, on ne doit pas vous toucher là. Vous en savez, mais il faut appliquer. À un moment donné, je me fais dire par quelqu'un qu'il y a une personne qui est invitée à une station de télévision, puis cette personne-là va parler de l'enfant Teflon. C'est un spécialiste. Alors là, je dis à la personne avec qui je travaille, c'est pas correct, on est encore en train de se faire niaiser. Nous, on se fend derrière pour avoir des entrevues télévisées, c'est impossible, puis il invite d'autres mondes qui sont des spécialistes. C'est moi qui suis le spécialiste des spécialistes, mais on invite les autres. Alors, normalement, ben là, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois comment c'est l'astral, comment ça va croche, puis comment l'intelligence a de la misère à passer? Normalement, c'est le dialogue. Là, le dialogue n'a pas été ça. Le dialogue a été, bon, ben parfait, ben tu vas rappeler à la station, tu vas leur dire, premièrement, que c'est pas correct de ne pas inviter l'auteur des livres, l'auteur de la théorie. C'est une théorie, c'est une constatation. Bon, l'auteur de la théorie, que c'est pas correct. Puis en plus, on va écrire une lettre immédiatement, on va leur envoyer. Là, je veux pas qu'on attaque le gars qui ont invité, c'est pas sa faute. Je veux qu'eux autres sachent qu'ils travaillent bien mal et qu'ils ne font pas leur travail convenablement. Ben, immédiatement, il y a eu un appel téléphonique pour juste leur parler, juste leur dire. Puis, la personne, elle a dit, écoutez, c'est que l'émission se fait dans 15 minutes. Quand même là, on ne pourra pas parler, M. Kim, on n'aura pas le temps, il est trop tard, on ne savait pas. On dit, c'est pas grave, on a passé ce qui était passé. La lettre, on ne l'a pas envoyée. Juste le fait, pas de jouer le jeu, juste le fait d'avoir une opinion et de la discuter, et de la parler. Ça ressemble à la colère mentale, mais là, ça s'approche de la colère royale. Juste le fait d'avoir une opinion puis de le dire, dans l'astral, ça a brossé suffisamment de choses, que finalement, c'est la station qui a rappelé pour me demander si en une demi-heure, je pourrais être là. Alors qu'ils ne pouvaient pas, ben, ça passait dans 15 minutes. Fait que finalement, je leur dis oui. Mais là, je me rends compte subitement que je ne suis pas rasé, que je ne suis pas habillé. Parce que moi, j'ai encore une conscience de jeune, je ne pense pas que ça pousse. Fait que je vais à la maison, là, je dis bon. Et là, le temps d'être préparé, j'ai déjà brûlé 15 minutes. En 15 minutes, de bois brillant au centre-ville, je ne serai pas là. Alors, je prends l'automobile, puis là, c'est bien clair dans ma tête. Écoute, tu n'as pas déjeuné. Va déjeuner. Et là, j'avais parlé les cheveux. On est d'accord là-dessus? Et puis, je descends, je roule, et puis tout le long, c'est bien clair que je peux passer déjeuner. Ça fait longtemps, ça, là. Et je ne vais pas déjeuner. Quand j'arrive là-bas, ben parce que 15 minutes. Bon, j'arrive là-bas presque 20 minutes en retard. Alors, je leur dis que je suis Daniel Kem, puis je suis attendu probablement depuis 20 minutes. Or, il me dit, ah, parfait, je vais aller chercher. Bon, moi, je suis une personne, on arrive là-bas, puis là, on passe à la salle de maquillage. Après ça, on me fait attendre un autre 3 quarts d'heure. Et puis après ça, j'ai fait l'émission. J'aurais pu l'émission. Juste parce qu'à un moment donné, deux individus qui normalement comprennent l'astral se sont dit subitement, écoute, c'est plus ça, ça cesse. Les exemples, il y en a plein, et plus l'individu s'opinionise, Les choses-là qui vous écœurent sans arrêt, c'est une chose. La colère mentale est là de l'utilité. L'opinionisation, c'est aussi important. Il y en a un qui crée un trou immédiat, ça vous laisse du temps. L'autre, c'est de vous afficher là-dedans. Donc, on ne va pas contre-attaquer l'individu, à un moment donné, qui est allé démolir ce que vous vouliez amener d'intelligent dans votre contexte. Mais on va écrire à une personne, on va lui dire peut-être. Mais c'est évident que dans votre tête, il faut que ce soit épais et que ça cesse. C'est la politique. La politique, c'est d'avoir une opinion. Pas de convertir. On va poursuivre la politique.